Il existe des demeures qui vous parlent. Certaines vous communiquent des effluves de bonheur. D'autres, au contraire, vous envoient des ondes maléfiques. S'agit-il de l'écho de malheurs anciens ? S'agit-il de l'annonce de catastrophes à venir ? Cette histoire s'est déroulée dans une famille mondialement connue. Il s'agit de princes originaires de l'Europe centrale. À notre époque, leur nom célèbre depuis plusieurs siècles a franchi l'Atlantique et se retrouve continuellement dans les chroniques mondaines américaines. Peu de cérémonies à Washington sans qu'ils ne soient mentionnés comme très proches de la famille présidentielle. Mais pour l'instant, nous sommes chez la branche suisse de cette illustre famille internationale, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Chloé, la fille unique du prince, passe ses vacances dans le château de ses ancêtres. C'est une immense bâtisse grise, bien plus faite pour affronter les canons des ennemis que pour servir de terrain de jeu à une petite fille de 7 ans. Chloé, viens me rejoindre dans le salon des batailles. La voix du prince retentit dans la cour intérieure. Seul le croassement des corbeaux perchés sur les toits de tuiles multicolores répond. Chloé, tu m'entends? Viens vite me rejoindre dans la galerie. Thaddeus! Avez-vous vu Mademoiselle Chloé? Du fond de la cour, la voix du domestique résonne. Oui, Votre Altesse. La princesse est dans le petit salon de musique. Le prince sait que Chloé ne peut pas ignorer son appel. Sa voix est trop puissante. Et Chloé sait que son père n'aime pas attendre. Chloé, je vous attends! Quand le prince se met à vous voyez la petite princesse, cela signifie que les choses se gâtent. Il n'est plus temps de rire. Chloé se montre enfin au balcon de la deuxième galerie. Elle dépasse à peine la hauteur de la balustrade de grès rose. « Père, que voulez-vous ? Je veux que vous veniez immédiatement me rejoindre ici, dans le salon des batailles. » « Je descends et je vous rejoins sur la terrasse, père. »« Chloé, je vous dis, dans le salon des batailles, et je vous attends dans le salon des batailles. »« Mais père, je ne veux pas passer par la chambre de la pitié, j'ai peur. » Le prince est accoudé à la balustrade de la galerie. Chloé est de l'autre côté de la cour du château. La cour est profonde et sombre, humide, comme un puits glacé. Leur voix résonne dans le silence de la montagne. Le prince, bel homme moustachu, le monocle vissé dans l'orbite droite, se tait maintenant. Son silence est plus menaçant que sa voix à l'accent rugueux. Chloé, toute tremblante, glisse lentement sur le sol de marbre vert de la galerie. Elle se décide à obéir et à rejoindre son père. Alors, ma princesse, tu vois, tu as réussi, tu n'es pas morte, même après avoir traversé la chambre de la pitié toute seule, comme une grande. Le prince a repris le tutoiement. Sa colère naissante s'est apaisée. Mais père, j'ai peur quand je traverse la chambre de la pitié. J'ai l'impression que je vais mourir. Allons, allons. Ta nourrice t'a trop raconté d'histoires de croque-mitaine. La pitié, qu'est-ce que c'est après tout, hein? C'est un grand tableau suspendu au-dessus de la porte, rien de plus. On ne sait même pas qui a pu peindre ce grand bazar. Les experts disent qu'il s'agit peut-être d'un Michel-Ange, ou du moins d'un de ses élèves. Le prince prend Chloé par la main. Allons, viens avec moi. Nous allons lui dire un petit bonjour à la pitié. Chloé frissonne, mais elle ne peut résister à la poigne puissante de son père. D'ailleurs, quand il est avec elle, rien ne peut lui arriver. Dans la chambre décorée par la pitié, le prince et sa fille s'arrêtent un instant devant le tableau, une œuvre du XVIe siècle. « Tu te souviens de ce que t'a appris le professeur Maziek ?»« La pitié, c'était une femme grecque qui pouvait prédire l'avenir. Elle était assise sur un trépied et elle respirait des vapeurs d'encens qui la mettaient en transe. » Chloé lève un regard peu rassuré sur la pitié. Heureusement que son père lui affirme qu'il s'agit d'une femme, car cette pitié au regard féroce possède des muscles de lutteur. Chloé voudrait éviter son regard, mais on dirait que la pitié la fixe. Oh, l'on peut se réfugier dans n'importe quel angle de la chambre. Le regard de la pitié, sous d'épais sourcils froncés, suit le visiteur. De toute évidence, le peintre l'a saisie au moment où elle annonçait une catastrophe aussi épouvantable qu'inévitable. La bouche est grande ouverte dans un rictus qui découvre des dents de loup. Chloé se décide et dit « Père, je voudrais changer de chambre. » Pour arriver dans la mienne, il faut que je traverse la chambre de la pitié, soir et matin. Et quand je me couche, je fais des cauchemars après l'avoir vue. Même si je ferme les yeux quand je traverse la pièce. Ma petite Chloé, La vie n'est pas simplement un chemin semé de roses. Tu dois triompher de ta peur. Un tableau n'est rien d'autre qu'un morceau de toile peinte dans un cadre doré. Mais si vous mettiez la Pitié dans une autre partie du château ? Impossible. Elle a été peinte pour être ici, juste au-dessus de la porte sud. Tout va ensemble, le cadre, les boiseries. Si je l'ôtais, il faudrait que je la remplace par une autre peinture. Cela dépareillerait un ensemble que l'on dit unique en Suisse. Non, il n'en est pas question, mon enfant. Chloé n'insiste pas, mais elle ne peut se défaire de cette panique qui la saisit. Désormais, les séjours au château sont continuellement gâchés par l'idée qu'il lui faut affronter plusieurs fois par jour le regard de la Pitié. Un regard chargé de haine. Et elle se persuade peu à peu que la Pitié lui en veut, qu'elle n'est là que pour lui annoncer un destin tragique. Le prince n'est pas un méchant homme. Un jour, il annonce l'air de rien une nouvelle d'importance. « Ma chère Chloé, j'ai décidé de faire quelques aménagements au château. J'ai l'intention de faire percer une petite porte dans ta chambre. Ce sera plus commode pour rejoindre la salle à manger. Plus besoin de traverser la chambre de la Pitié. Et cela fera des économies de chauffage, et par les temps qui courent. Mais alors, je n'aurai plus besoin d'affronter cette horrible femme tous les jours ? Je pourrai passer par la galerie des porcelaines chinoises ? Eh oui, plus de Pitié pour effrayer ma Chloé. Tu es heureuse ? Je ne serai heureuse qu'en quittant ce château. Oh, pardon, père. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne serai heureuse qu'en m'éloignant définitivement de cette horrible peinture ou en l'éloignant de moi. Alors qu'elle vient d'atteindre ses 18 ans, Chloé est demandée en mariage par l'un des officiers de la garde personnelle du prince. Celui-ci se réjouit de cette union car il apprécie le jeune baron Gerhardt de Thornweald et voit en lui un officier au brillant avenir. Chloé, quant à elle, est devenue une des plus jolies femmes de la noblesse helvétique. Pour célébrer convenablement ton mariage, il faut que la cérémonie ait lieu au château. C'est le seul cadre convenable pour cet événement. Chloé est tout à fait d'accord. Depuis que le prince a fait 5 ans plus tôt les aménagements des appartements personnels, Chloé a oublié l'horrible Pitié et sa bouche grande ouverte pour annoncer le malheur. Le prince et Chloé organisent une fête brillante. Après la cérémonie dans la chapelle du château, pavée depuis plus de 500 ans par les dalles funéraires de la famille, vient la fête. Elle se déroule dans les salons et les jardins du château. Le prince a réservé une surprise à sa chère Chloé. Sur les bassins du château, une féerie nautique apparaît dans les lumières et les feux d'artifice. Puis les habitants du domaine viennent exécuter des danses traditionnelles dans les costumes d'autrefois. Et maintenant une farandole! Xavier de Thornwen, le frère du marié, vient de lancer cet ordre. Aussitôt, toute la jeunesse qui assiste à la fête se lève et une chaîne se forme. 2 violons mènent la danse et la file des danseurs s'élance. Les rires et la musique résonnent dans la cour intérieure. Après avoir parcouru les grandes salles du rez-de-chaussée, Xavier et la troupe s'élancent dans l'escalier de marbre orné d'armures centenaires. Main dans la main, danseurs et danseuses gravissent les marches construites pour d'autres ambiances. Chloé est là, au milieu de la farandole. Elle est entraînée et solidement maintenue par les mains viriles d'officiers du régiment de Gerhardt. Elle est un peu essoufflée et sans se rendre compte de rien, elle suit le mouvement échevelé des joyeux danseurs. Chloé ne voit plus très bien où elle se trouve. Le château est si grand, il comporte tant de salons, tant de galeries. Chloé appelle son tout nouvel époux. « Gerhardt, où es-tu, Gerhardt ?» Mais sa voix se perd parmi les rires et la musique qui résonnent sous les voûtes. Soudain, Chloé sent que les mains qui l'entraînent viennent de la libérer. Son voile blanc qui flottait derrière elle s'est rabattu sur son visage. Elle a du mal à libérer ses yeux. Quand elle y parvient, elle voit la farandole qui s'éloigne et redescend le grand escalier de marbre. On dirait que toute la noce l'abandonne. C'est alors que Chloé de Thornwell réalise où elle se trouve. Elle est dans la chambre de la Pitié. Cela fait des années qu'elle n'y a plus mis les pieds. La pièce n'a pas été incluse dans les festivités. Aucun lustre n'est allumé, aucune bougie dans les candélabres. Est-ce pour cela que la noce a reculé ? A-t-elle été repoussée par quelque horrible malédiction millénaire ? Chloé réalise qu'elle est seule face à l'effrayant tableau. Malgré la pénombre, elle distingue parfaitement les sourcils froncés, le faciès masculin, les muscles énormes, de la voyante mythologique. Il lui semble que la bouche et les dents de loup du tableau sont encore plus énormes que dans son souvenir. Chloé n'a pas le temps de réfléchir. Soudain, les lourds battants de la porte de chêne qui mène vers l'escalier se referment. Chloé est prisonnière de l'appétit. Elle se précipite vers la porte et commence à frapper frénétiquement sur les gros panneaux de chêne. « Ouvrez-moi, ouvrez-moi, au secours !» Mais de l'autre côté de la porte, elle n'entend que les rires de la noce. Plusieurs jeunes officiers s'appuient de toute leur force sur les battants sculptés pour empêcher Chloé de sortir. Quelle bonne farce! Faire un peu peur à une jeune mariée ne peut que lui faire du bien. Elle sera plus frissonnante tout à l'heure dans le grand lit à colonnes qui les attend dans un autre château. D'un côté, Chloé de Thornwell, épouvantée. De l'autre, des jeunes gens et jeunes filles enchantés de leur plaisanterie. Et le prince surgit. Et il comprend d'un seul regard. Vous avez enfermé Chloé dans la chambre de la Pythie, libérez-la immédiatement. C'est à ce moment que retentit un fracas impressionnant de l'autre côté de la porte. On ouvre en toute hâte. Il est trop tard. Chloé gît à terre. Sa tête ensanglantée a été fracassée par l'énorme cadre de bois de la Pythie. Le tableau s'est décroché, Dieu sait pourquoi, après être resté 500 ans à la même place.